Je circule en agglomération. La nuit, l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Toutefois, je peux faire des appels lumineux pour mieux communiquer avec les autres usagers. Ici, j'aborde une intersection où le véhicule rouge doit me céder le passage. Je peux lui indiquer ma présence en actionnant les feux de route par intermittence. Réponse A et D.